Chapitre 10 Engoulafre le magnanime. Quand Engoulafre vit approcher ses nouveaux adversaires, il fronça le sourcil. Ah ça, pour qui me prend-on ici? Et pourquoi m'envoyer toute cette marmaille? Ma foi, Roitelet, je ne te fais pas mon compliment. Voilà un triste échantillon de ta cour, et tu n'as pas grand-chose à en être le premier. Je crois en vérité que tu m'envoies des chevaliers de rebut dont tu n'es pas fâché de te défaire. Tu espères ainsi me lasser et te débarrasser de ce fretin? Je ne te donnerai pas ce plaisir et rougirai de prendre au sérieux ces petits hommes. Par le prophète, mon père serait bien surpris s'il voyait quelle besogne on me donne à faire. » Et, haussant les épaules, Engoulafre s'en fut prendre place au bout de l'arène. Il refusa la lance que lui apportaient 30 de ses écuyers. « Il serait plaisant que je prisse des armes pour combattre ces pygmées. » Puis il partit sans trop hâter le pas de son cheval. Ganelon et Lupus s'élancèrent la lance en arrêt. Mais au lieu d'en diriger la pointe sur le géant, ils s'appliquèrent à frapper le cheval. « Aussi lâche que l'est !» s'écria Engoulafre. « Charles, Charles, je ne te donnerai pas la joie de te débarrasser de ceux-ci. Je prétends les épargner et les laisser concourir en paix à ta honte à venir. » Le géant se baissa, prit les deux chevaliers comme il avait pris Olivier, et les regardant plus à son aise. « Fi, les vilains chrétiens » dit-il, « ce serait un meurtre que de les tuer. » Il se dirigea alors vers la chapelle, tenant toujours Gane et Lupus. « Vous n'avez sans doute pas oublié, mes enfants, la chapelle dont je vous ai parlé au commencement de ce conte. Une grande croix de fer la surmontait. » Engoulafre s'en approcha. Et sans faire le moindre mal à ses prisonniers, il les accrocha par leurs ceinturons aux branches horizontales de la croix comme deux bagues à un baguier. « Défenseurs de la croix, soyez-en les gardiens !» dit le colosse, et il retourna prendre sa place dans l'arène.